vie sera la tienne, méditerranéenne. Ce parfum de poème, je l'aimerai puisque tu m'aimes. Méditerranéenne, ma vie sera la tienne. Au Sainte-Marie que j'aime, il y a danger pour l'étranger. C'est 100% chanson française.

les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Ces parfums qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous son chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Les couleurs, il y met sa vie, le bruit de son cœur est comme un bateau porté par sa voile. Doucement le pinceau glisse sur la toile et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Ces alpins laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Ces alpins, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Quand chanter en français toute la journée, 100% chanson française. J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui cognent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne, tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, je m'accroche à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. on ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, Ricard et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, t'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. Chez soi, un petit bout de terre, c'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois que je veux partir, voyager voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France, pa la pa, pa la pa. On ne fait jamais le tour de France, pa la pa, pa la pa. J'irai tous ces murs.

ici, 100% chanson française, sans interruption. Ici. Je vois ton sourire sur chaque visage, mais le tien était plus beau. Je voudrais revenir. chanson française sans interruption.

ne connaît que la brasse. New York, c'est pas la porte en face, ni l'océan en promenoir. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, tu, tu, tu, tu. Je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, tu, tu, tu, tu. Je me souviens de mon enfance, loin d'Alcatraz et des potences. Et je chante en faisant la planche au milieu de la mer immense. Je me souviens que quand j'étais gosse, je mettais des pièces dans les jukebox et j'écoutais du rock'n'roll plutôt que d'aller à l'école. Je me faisais la peine, je me faisais la peine, je me faisais la peine, tu, tu, tu, tu. Je me faisais la peine, je me faisais la peine, je me faisais la peine, tu, tu, tu, tu. Et si un jour j'arrive au port, ce jour-là, je respire encore, j'irai couvrir de baisers la statue de la liberté. Je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, tu, tu, tu, tu. Je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, tu, tu, tu, tu. Je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, tu, tu, tu, tu. Je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, je me suis fait la peine, tu, tu, tu, tu. Vous écoutez la web radio 100% chansons françaises. J'ai soufflé sur ta frange.

Vous écoutez la web radio 100% chanson française. Jamais content. Oh, Écoutez la web radio 100% chanson française. Imagine-moi faire mon numéro. Je fais honte à ça, monsieur. Toi, tu y crois à mon numéro. Je le vois dans ta beaux yeux. Je respire à peine devant vous. Je respire à peine. J'ai pas